De quand datent les maisons closes? L'accusation de libertinage fut l'un des principaux griefs que les révolutionnaires adressèrent aux aristocrates à partir de 1789. La conséquence immédiate fut de fermer ce qu'on appelait les petites maisons florissantes à Paris au XVIIIe siècle. Mais au-delà des grandes déclarations sur les vertus républicaines, la politique des dirigeants révolutionnaires à l'égard de la prostitution fut marquée par des ambiguïtés qui reflètent les contradictions du projet républicain concernant la place des femmes dans la cité. À cette époque, elles étaient plusieurs milliers, âgées pour la plupart de 15 à 25 ans, issues de milieux populaires et fraîchement immigrées à Paris, qui se livraient à la prostitution. Ces femmes étaient généralement célibataires et vivaient seules, sans soutien familial proche. Beaucoup d'entre elles exerçaient une profession, comme couturière, marchande de mode, blanchisseuse, mais leurs ressources étaient insuffisantes pour se nourrir tout en payant un loyer qui pouvait absorber les trois quarts de leurs gains. La rupture brutale de l'ordre établi que provoqua la Révolution entraîna ce que l'historienne Clyde Plumosil appelle une dépénalisation silencieuse de la prostitution en raison du silence des nouveaux codes sur le sujet. Ces femmes mirent à profit cet espace nouveau de liberté pour résister à leur manière contre les formes de domination qu'elles subissaient. Accompagnées de ces jeunes gens qu'on appelait les étourdis, elles formaient des bandes qui couraient les rues en créant du désordre au point de perturber les spectacles. Cette forme de dissidence visible s'accompagnait de revendications sur le droit d'exercer ce qu'elles considéraient comme un métier, au rebours des représentations idéalisées de la mère de famille, symbole de la vertu républicaine. Toutefois, l'absence de cadre légal ouvrit aussi une période de non-droit qui se retourna brutalement contre une partie de ces femmes. L'exemple le plus dramatique eut lieu du 2 au 6 septembre 1792, lorsque les sans-culottes ayant investi les prisons parisiennes massacrèrent près de 1300 détenus, dont une partie des prostituées qui étaient considérées comme l'incarnation des vices de l'ancien régime. En octobre 1793, les dirigeants de la Commune de Paris prirent un arrêté rétablissant un contrôle organisé de la prostitution. Dans un contexte d'exacerbation des discours moralisateurs sur la vertu, les prostituées furent alors dénoncées comme des femmes de mauvaise vie, contribuant à la perversion des mœurs, suspectes de contre-révolution et dangereuses pour la santé des conscrits. L'analyse des suppliques de quelques-unes des femmes enfermées pour prostitution permet de mieux comprendre comment elles ont tenté de combattre leur stigmatisation en rejetant les accusations qui pesaient sur elles pour se présenter comme des citoyennes que la République devait également secourir. Finalement, c'est Napoléon Ier qui mettra en place le cadre légal qui régentera la prostitution jusqu'en 1946. Ainsi sont nées les maisons dites de plaisir ou maisons closes. Les prostituées devaient désormais être enregistrées à la préfecture avant de pouvoir s'inscrire dans l'une de ces maisons. Tous les mois, elles étaient soumises à une visite médicale que beaucoup d'entre elles ressentaient comme une forme particulièrement violente d'humiliation.